Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Esmeralda n'est pas au bout de ses malheurs. Nous trouverions-nous dans un bon mélodrame du 19e siècle que tout s'arrangerait? Rendez-moi mon enfant, dirait une mère à qui l'on a jadis volé sa petite fille devant une jeune femme qui se révélerait être précisément la petite fille en question, grandie. On s'embrasserait et le rideau tomberait. Mais nous sommes dans le roman de Victor Hugo et, retrouvailles ou pas, la tragédie est en route. Voici les derniers épisodes du feuilleton Notre-Dame de Paris, les 59e, 60e, 61e, 62e, 63e et 64e. Ils ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 24, 25, 26, 27 et 28 juin 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Allons, ouvrez ! Ordre du roi ! Oui, oui, oui, voilà, voilà, tout de suite, mes seigneurs. Oh non, Olivier ! N'y va pas, n'ouvre pas, j'ai peur! Eh oui, mais c'est bon, j'enfonce la porte! Mais ils en sont capables, ma parole! Oh, Jésus-Maria, protégez-nous! Ah, enfin! Vous y mettez le temps, obéir au roi! Oh, mais cette maison est une honnête demeure bourgeoise, messire. Nous n'attendions pas à votre visite à cette heure de nuitée. Allez, allez, vous autres! Entrez, fouillez partout! Non, non, non, messeigneurs, je suis un dévoué serviteur de Sa Majesté Louis XI. Je ne vois point ce que l'on me reproche. On ne t'en reproche rien, maintenant! Nous cherchons une sorcière qui s'est enfuie de Notre-Dame et que le roi veut pendre. Une sorcière? Dans ma maison? Mais c'est horrible! Il va falloir que je fasse brûler de l'encens partout! Non, calme-toi, il n'y a personne dans les caves ni dans les cuisines, mon lieutenant. Faut-il monter dans les étages? Ben, naturellement. Ah, dites donc, avez-vous bien regardé l'intérieur des fours et des cheminées, hein? Ces filles-là ne craignent pas le feu. On en a vu danser sur des charbons ardents. Oui, mon lieutenant. Olivier, entendu? Oui, oui. Je défaille. On dirait qu'une créature pareille se cache peut-être chez moi. Non, dis moi de voyons, calme-toi. Rien ne prouve qu'elle soit ici. Oh là! Oh, c'est elle! La voilà! Non, mais non, mamie, mais non, c'est seulement ton vaisselier que les soldats viennent de prendre. Oui, ils sont un peu vifs, hein, le métier, n'est-ce pas? Oh, ma belle aiguille de porcelaine de roi! Et mon plat tourte que j'aimais tant! Vos hommes auraient tout de même pu faire attention! Allons, ma chère, ne te lamente point, ce sont les ordres du roi. Ces messieurs pensaient sans doute trouver la sorcière dans tes compotiers, à moins que ce ne soit dans ta soupière. Ah, il suffit, hein! Nous savons ce que nous avons à faire. Et si vous voulez vous plaindre, Tristan l'ermite est à la porte. Et ne vous gênez pas, hein? Il est d'une humeur de dogue. Olivier, je t'en supplie, Olivier, reste tranquille. Oh mon Dieu, Tristan l'ermite. Oh non, non, non. Nous avons eu assez d'ennuis pour la soirée, reste tranquille. C'est bien, ma bonne, puisque tu y tiens. Nous avons tout retourné, mon lieutenant. C'est une belle maison, ma foi, avec tout ce qu'il faut pour vivre douillettement. Ah ben, la fille est pas ici. Allons, sortez. Et continuez de visiter chaque maison sur la gauche de la rue. Oui, mon lieutenant. Madame, ayez pitié. Mais ce n'est pas moi. Je ne vous ai rien fait. Laissez-moi me sauver. Je croyais ne pas avoir peur de la mort. Et puis maintenant, je tremble à cause de toute cette haine qui me traque. Le bourreau va venir. On va me pendre. Mais je suis innocente. J'ai 16 ans. Je veux vivre encore. Rends-moi mon enfant. Laissez-moi m'enfuir. Rends-moi mon enfant. Oh, ce n'est pas possible. Faites-moi grâce. Rends-moi mon enfant. Hélas, n'avez-vous point de cœur? Mon cœur n'a jamais cessé de saigner parce que les femmes de ta tribu ont déchiré vivant ma petite fille. Oh, madame, si vous saviez, vous pleurez votre enfant et moi je n'ai jamais connu ma mère. Et quand ta mère, l'égyptienne, viendra te réclamer, je lui dirai, regarde le gibet, parce que ton corps va s'y balancer, Esmeralda. Ce n'est pas beau à voir, mais moi j'aurai l'impression d'être enfin vengée. Ou bien, rends-moi mon enfant et je te laisse partir. Sais-tu où elle est, ma petite fille? Dis, le sais-tu? L'as-tu rencontré quelque part dans ta vie errante? Tiens, tiens, que je te montre. Voilà son soulier. C'est tout ce qui m'en reste. As-tu jamais vu son pareil? Dis-le-moi. Et si ce n'est qu'à l'autre bout de la terre, j'irai le chercher en marchant sur les genoux. Mon Dieu, que dites-vous? Mon Dieu, montrez-moi ce soulier. Tiens. Et moi, regardez ce que j'ai là. Quoi? Dans cette amulette. Quoi? Suspendue à mon cou. Là, voilà. Oh! Oh! Le soulier d'Agnès. Je le reconnais. Mais comment l'as-tu? Misérable, c'est le même. Oh oui, oh oui, il est à moi. À toi? À toi? Esmeralda. Agnès. Oh, Agnès. Ma fille. Oh, ma mère. Ma mère. Où est celui qui vous commande? Monsieur le prêtre, celui qui nous commande, un nom Tristan l'ermite. Et ce n'est pas l'instant de l'aborder. Ne conduisez pas à lui, je vous prie, sans tarder. Je suis donc Claude Frodo, l'archidiacre de Notre-Dame. Oh, tout de suite, monseigneur, si vous voulez bien me suivre. Allez, ouvrez. Par ici, mon capitaine. Nous sommes sur une piste. Allez-vous ouvrir, coquin? Si tu cries trop fort, le bourgeois, il pourrait t'enfuir. Ordre du roi. On ne trouve toujours rien, mon lieutenant. La fille doit être loin. Nous y sommes, monsieur l'archidiacre. Tristan l'ermite est au milieu de ses cavaliers. Merci. Il est inutile de m'accompagner plus loin. Bien, monsieur l'archidiacre. La peste soit les petits matins. Je ne les aime pas. Ils sont gris et froids. L'heure n'est bonne que pour les pendaisons. Dommage qu'on ne tienne pas la sorcière. Après l'avoir vu se balancer au gibet de la grève, je serais allé me coucher avec plaisir. Monseigneur, vous allez pouvoir le faire tout de suite. Hein? Qui parle de la sorte? C'est un moine, monseigneur. Non, pas un moine. Ce vêtement m'était commode pour échapper à la curiosité publique. Regardez-moi, Tristan, sans mon capuchon. Donc, Claude Frollo, comme votre visage est fatigué, je ne puis hélas rien vous dire encore au sujet de l'égyptienne. Nous la cherchons en vain. C'est moi qui peux vous dire où elle se cache. Côte du diable! Où est-elle? Dans la cellule de la recluse du trou au rat sur la place de grève. Esmeralda est prisonnière de la sachette. Ah, merveille! Sonnez le rassemblement! Je prends la tête du peloton et piquez droit sur la place de grève! Venez avec nous, monsieur l'archidiacre, venez! C'est un bel Alali qui nous attend. Mais où est-il passé? Monsieur l'archidiacre! Si c'est du moine que vous parlez, monseigneur, il vient de filer comme un lièvre. Tonnerre, je n'ai jamais vu personne disparaître aussi vite. Soit de l'important, c'est le renseignement. Allez, mes hommes, allez. En route. Oui, monseigneur. Rassemblement. Maman. Ma fille, j'ai ma fille, la voilà. Le bon Dieu m'a rendu ma fille. Seigneur Jésus, que tu es belle. 15 ans. Je t'aurais attendu 15 ans, mon Agnès. Mais pour te retrouver plus belle encore que dans mes rêves. Oh, fais voir. Montre-moi encore ce sachet que tu portes à ton cou. Oh, le voilà. Regardez, dans le petit chausson de satin rose, il y avait un minuscule morceau de parchemin sur lequel on avait écrit « Quand le pareil retrouvera, ta mère te tendra les bras. » Oh oui. Oh oui, je te tends les bras. Et je t'embrasse. Oh, et je te serre contre moi. Je t'embrasse encore. Les Égyptiennes ne t'avaient donc pas mangé. Mais tu vois, maintenant je sens que je vais les aimer. Ma petite fille, c'est bien toi. Et voilà. Voilà pourquoi mon cœur battait à se rompre chaque fois que je te voyais. Et moi qui prenais ça pour de la haine. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Agnès, comme j'ai dû te faire souffrir. Quelle monstrueuse erreur. Oh non, ma maman, ne pleurez plus. Il faut oublier cela. Raconte comment ce sachet a été suspendu à ton cou. Qui te l'a donné? C'est une bonne égyptienne de ma tribu, qui est morte l'an passé, et qui avait toujours eu soin de moi comme une nourrice. Elle me disait toujours, petite, garde bien ce pendentif. C'est un trésor. Il te fera retrouver ta mère. Tu portes ta mère à ton cou. Et vous voyez, c'est vrai. Elle me l'avait prédit. Oh, comme tu dis cela, gentiment, mon Agnès. Tu es donc si bonne que belle. À peine me retrouves-tu que je te sens ma fille, comme si jamais je t'avais quittée. Elle me disait aussi, ma nourrice, garde bien ta vertu. Sinon, ce sachet perdrait son pouvoir et tu ne pourrais retrouver ta mère. Oh, mon petit enfant, te voilà donc sage et pur, malgré ta vie errante, malgré les dangers qui te menaçaient. Et moi qui ajoutais à cela l'horreur de mes malédictions. Oh, je n'étais pas malheureuse jusqu'à ces derniers temps. Tout le monde m'aimait à la cour des miracles. Les truands m'appelaient leur petite reine. Mais vous m'avez toujours manqué, ma mère. Et tant de fois, j'imaginais l'instant où je vous verrais enfin. Ah, ma pauvre colombe. Eh, dans quel état me trouves-tu? Recluse depuis 15 ans, vivant comme une bête dans son trou. Oh. Ah, mais c'est fini, nous allons être heureuses loin d'ici toutes les deux. Oh. Et tu verras comme je m'occuperai de toi. Oh, ce ne sera pas difficile, tu es la beauté même. Fais voir encore tes beaux yeux. Et tes cheveux brillants comme la soie. Tes mains, tes petites mains, mon ange. Et tes petits pieds adorables. Ouh, doux et merveilleux. Oh, maman, comme c'est doux. Je te disais, nous partirons d'ici. J'ai une maison à Reims, dans notre pays. Tu te souviens de Reims? Oh, mais non. Maintenant que je suis bête, tu étais trop petite. Ah, mais c'est une bonne maison, sur le bord d'une rivière, avec un grand champ. Mon Dieu, qui croirait cela? Me voici à faire des projets. Il faut croire qu'on ne meurt de rien, puisque je ne suis pas morte de joie en retrouvant ma fille. Oh, maman. Sauvez-moi. Qu'est-ce que c'est? Sauvez-moi, ma mère. Les voilà qui viennent. Ma petite, pourquoi es-tu si effrayée? Qu'y a-t-il? Écoutez ces bruits, ces chevaux, ces hommes qui cherchent dans la rue. Ils veulent me tuer, me pendre. Mais que dis-tu là? Oh, j'avais oublié, c'est vrai, on te poursuit. Mais qu'as-tu donc fait, mon Agnès? Je ne sais pas, mais je suis condamnée à mourir. Mourir, toi? Oui, ma mère. Et j'ai peur. Cette potence là-bas, elle est pour moi. Ils disent que je suis une sorcière. Oh, sauvez-moi, je vous en supplie, maman, sauvez-moi. Oh, mon Dieu. C'est par ici. Êtes-vous certain de ce que le prêtre vous a dit? La recluse du trou aura, la sachette, il n'y a pas à se tromper. Ah non, c'est un rêve que tu me dis là, Agnès, ce n'est pas possible. Je t'aurais perdue pendant 15 ans et je te retrouverai pendant 15 minutes. On me la reprendrait maintenant qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle me parle et qu'elle m'aime. C'est maintenant qu'il viendrait me la manger, là, sous mes yeux à moi qui suis sa mère. Sauvez-moi, oh, maman, sauvez-moi. Protégez-moi, je ne veux pas mourir. Maman, enfin, je suis comme toutes les femmes qui ont un enfant. Elle m'appelle maman, c'est ma fille. Et quelqu'un voudrait nous séparer. Mets tes pieds à terre. Suivez-moi, monsieur Tristan, je vais vous montrer le chemin. Lieutenant, on est des hommes avec des torches, des garrots et des arbalètes. Viens, mon capitaine. C'est trop tard. Allez, tu les entends? Il y a des archers partout. Tu ne peux plus sortir, ils te verraient. Que faire? Ils approchent, je vais leur parler. Je leur dirai que tu t'es échappé et que je n'ai pas pu te retenir. Peut-être n'oseront-ils pas entrer dans ma cellule. Personne n'a jamais osé le faire. C'est un lieu sain et puis je leur fais peur. Mais s'ils regardent par le grillage, ils vont me voir. Non, tiens, mets-toi dans ce coin. Tu es dans l'ombre et je vais mettre devant toi tout ce que j'ai. Va, voilà. Et puis ça encore. Ah, mon Dieu, inspirez-moi. N'aie pas peur, ma petite fille, n'aie pas peur. Mais ne bouge pas, surtout, ne bouge pas. Peux-tu respirer? Oui. Ne vous inquiétez pas. Tais-toi. Maman. Tais-toi. Maman. Tais-toi. Maman. Voilà, la vieille. Où es-tu? On y voit goutte dans ton antre. Arrive un peu ici. Que voulez-vous, monseigneur? Je suis une pauvre femme en prière. Et moi, Tristan l'ermite, compère du roi. Tu vois ce gibet au milieu de la place de Grève? Ah, je ne vois que lui jour et nuit, lorsque je m'approche de ma lucarne. C'est moi qui l'ai fait dresser pour qu'il soit toujours prêt à faire son œuvre. Ouvre-moi ta porte, la vieille. Il y a chez toi une sorcière que je vais y accrocher de mes propres mains. Entends-tu, vieille folle, ce que je te dis? Tu as devant toi Tristan l'ermite, compère du roi. C'est sur son ordre que je recherche la sorcière nommée Esmeralda. Seriez-vous Satan l'ermite, que je n'aurais pas peur de vous. Si je puis vous aider, je le ferai. Sinon, passez votre chemin. C'est Dieu, en voilà une commère. Un prêtre nous avertit qu'il t'a donné la fille à garder. Qu'en as-tu fait? Ah, si vous parlez d'une grande jeune fille qu'on m'a accrochée aux mains tout à l'heure, vous direz qu'elle m'a mordu et que je l'ai lâchée. Elle était jeune et forte. J'étais pas de taille à lutter avec elle. C'est vrai que tu as l'air d'un vieux spectre. Mais prends garde à ne pas me mentir, hein. Par où s'est-elle enfuie, la sorcière? Par la rue du Bouton, je crois. Si vous voulez l'attraper, dépêchez-vous. Et laissez-moi un repos. Avez-vous entendu, vous autres? Oui, allons, en selle. Monseigneur, la vieille fée en a menti. La sorcière ne s'est pas sauvée par la rue du Mouton. La chaîne qui barre la rue est restée tendue toute la nuit. Et le garde-chaîne n'a vu passer personne. Dis-moi, la vieille, te moques-tu de moi? Qu'as-tu à répondre à cela? Mais sire, je ne sais pas, j'ai pu me tromper. Ah, je crois qu'il a passé l'eau, en effet. Ouais, c'est le côté opposé. Il n'y a pourtant pas grande apparence qu'elle ait voulu revenir dans la cité où tout le monde la cherche. Tu mens, la vieille! Ouais, et puis il n'y a pas de bateau, ni de ce côté de l'eau, ni même sur l'autre rive. Eh ben, elle aura pas assis à la nage, on voit pas. Tu mens, la sachette! Tu mens! Je le sens à ta voix! J'ai bonne envie de laisser là cette sorcière et de te prendre avec moi! Un quart d'heure de questions te tirera peut-être la vérité du gosier. Allons, viens! Tu vas nous suivre! Oui, oui! Comme vous voudrez, monseigneur! Faites-le! Faites-le, je vous en prie! La question, je veux bien! Emmenez-moi vite! Allez, partons tout de suite, si vous y consentez! Tout de suite! Oh, mon Dieu, quel appétit du chevalet! Je comprends rien à cette folle! La folle, elle l'est, c'est vrai, monseigneur! Si elle a lâché l'égyptienne, c'est pas sa faute, car elle n'aime pas les égyptiennes! Voilà 15 ans que je fais le guet par ici, et je l'entends maugréer contre les femmes bohèmes. La petite danseuse à la chèvre que nous poursuivons lui faisait particulièrement horreur. Elle la détestait. Oui, celle-là surtout. À mort, égyptienne, à mort, coule à part. Tiens, elle criait ça toute la journée. Le sergent a raison, monseigneur. Moi aussi, je l'ai entendu maudire Esmeralda. C'est une pauvre femme, monseigneur, elle dit la vérité. Ah oui, ça pour sûr, j'y étais. Ah, c'est bon. En route. Mettons-nous à l'enquête. Oui, monseigneur. Je ne dormirai pas ni personne avant que l'égyptienne soit pendue. Mon Agnès, ma petite fille sauvée. Sauvée, tu es sauvée. Oh, ma mère, je n'en puis plus. Tu t'en fous. Comme nous venons de souffrir l'une pour l'autre. Maman, je vous aime. Ne bouge pas, surtout. Il y a beaucoup de soldats, ils ne sont pas tous partis. Et l'autre avec sa figure atroce, Tristan l'ermite. Il me fait peur. Cache-toi, mon enfant, cache-toi, je t'en supplie. Oui. Ne tremblez plus, ma mère. Capitaine Phébus de Château-Père, prenez le commandement. Phébus, c'est toi. Il est là. Phébus. Que dis-tu, malheureuse? Que dis-tu? Tais-toi. Oh, mais non, ne craignez rien, maman, c'est Phébus. C'est mon beau capitaine. Il m'aime, nous sommes sauvés. Tais-toi. Phébus. Oh, je suis là, Phébus. M'entends-tu? Mais c'est toi donc, tu vas te perdre. Faut-il que je t'assomme pour te protéger? Oh, c'est lui, notre protecteur, notre refuge, notre asile. Phébus, à moi, Phébus. Monseigneur, venez voir d'où vient ce tintamarre. Monseigneur, il y a maintenant deux souris dans la souricière. C'est Dieu, je m'en doutais. Mais ne crie plus, la sorcière. Phébus ne t'a pas entendu. Tu t'es assez moqué de nous, la vieille. Qu'as-tu donc empêché cette sorcière d'être pendue, comme il plaît au roi? Écoute-moi bien, Tristan. Je ne te la donnerai jamais, car c'est ma fille. J'en suis fâché pour toi, mais tel est le bon plaisir du roi. Qu'est-ce que ça me fait, ton roi? Je te dis que c'est ma fille. Allons, finissons. Puisque cette tigresse ne veut pas ouvrir la porte, prenez vos piques. Enfoncez le mur! Ah, mon Dieu! Lâche! Brigand! Assassin! N'as-tu pas d'entrailles, Tristan? Plus vite! Mettez pas la pierre au-dessous de la carte! Jamais! Jamais vous ne l'aurez, mon Agnès! Jamais! Je vous... maintenant, prenez la fille. Non. Ne bougez pas. Vous êtes deux hommes, pas des assassins. Tête Christ, mes gens de guerre. Vous êtes plantés comme des piquets. Auriez-vous peur d'une femme? Mais monseigneur, vous appelez ça une femme, vous? Elle a une crinière de lion. Oh, la baie est assez large. Entrez-y trois de front, comme à l'appareil de Pontoise. Le premier qui recule, j'en fais deux morceaux. Et montre-leur le chemin, toi, Henriet Cousin, le bourreau. Messeigneurs, messieurs les sergents, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, c'est ma fille, voyez-vous. Je l'avais perdue, les bohémiens me l'avaient volée. Et pendant 15 ans, je l'ai crue morte. Il ne me restait d'elle que ce petit soulier de satin rose. Vous voyez comme il était petit, son petit pied. J'ai tant pleuré, tant souffert, tant prié dans cette cellule pendant 15 ans, que cette nuit le bon Dieu m'a rendu ma fille. C'est un miracle, comprenez-vous? Un miracle! Et vous, vous aussi, vous êtes bons, messieurs les sergents. Vous n'allez pas me la tuer. Pourquoi faire? Le roi non plus ne peut pas vouloir ça. Elle n'a rien fait de mal. Et moi, monsieur le grand prévôt, tout à l'heure j'ai crié, je vous ai insulté. Mais c'était pour sauver mon enfant, n'est-ce pas? Vous allez avoir pitié de nous maintenant. Maintenant que vous savez. Pardonnez-moi. Laissez-nous passer. Je l'emmène à Reims, où elle est née. Comme une mère qui prend sa petite fille par la main. Oh non, non, non, messieurs, c'est trop horrible. Vous n'allez pas faire cela. Ou bien alors, prenez-moi à sa place. Je suis vieille et usée, ça n'a pas d'importance. Elle n'a que 16 ans. Laissez-lui le temps de vivre. C'en est assez. Obéissez, le roi le veut. Oh, ma mère. Dans le soleil levant, les badauds de Paris, pourtant habitués au spectacle violent, regardaient avec stupeur un bourreau qui pleurait à grosses larmes, entraînant sur le pavé le corps fragile d'une jeune fille de 16 ans. Accrochée à lui, pesant de tout son poids, la pauvre Sachette criait, suppliait, et les soldats présents détournaient la tête en se signant. Ma mère, au secours! Je ne veux pas mourir! Mon enfant, mon enfant, laissez-la voir! Insensée! Bourreau! Hey! La vieille m'a mordu! C'est une vraie tigresse! Je ne l'enlèverai pas! Tuez-moi, d'abord! Monsieur Prévost, vous voyez comme elles s'accrochent l'une à l'autre, on ne peut pas les séparer! Tonnerre! Faudra-t-il que je vous menace de l'impotence, tous autant que vous êtes, pour vous apprendre votre métier? Henriet Cousin! Es-tu bourreau, oui ou non? Ah oui, monseigneur, mais c'est de la sale besogne que vous me faites faire là! Alors, la fille, il faut en finir. Non, Agnès, je veux mourir avec toi, mon enfant. Monsieur le bourreau, ayez pitié. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez tous ces soldats devant la cellule de la Sachette? Oh, pardieu, mon compère. Oui. C'est Tristan l'ermite en personne. Oui, Tristan l'ermite. Ah, la chose doit avoir son importance. Ah, mais que lui veut-on à la vieille micro-horreur? Assommez la mère! Vous n'y arriverez jamais! Agnès, mon enfant! Maman! Vas-y, toi, pichegru! Ouais. Un coup sur la nuque! Misérable! Maman! Allez, passe-moi la corde! Non! Maman! Bébé! Allez! Maman! Allez, tirez! Tirez, mon Dieu! Thank you. Tu es morte, Esmeralda. Il est fini, ce long cauchemar. Il est retrouvé le chemin de la lumière. Nos destinées ne se croiseront plus sans cesse. Je vais sortir du labyrinthe où la fatalité nous avait enfermés tous les deux. Toi vivante, je n'étais qu'un esclave, mais ta mort m'a franchi. Elle me délivre, Esmeralda. Ton cadavre met au monde un homme que je ne connais pas encore. Je renais de ton supplice, faible et incertain devant l'avenir. Tu étais pur, irresponsable. Je t'ai corrompu et lucide. Me voici à présent comme un vieillard au seuil d'une vie nouvelle. Que de contradictions, Esmeralda, tu auras fait naître en moi par la seule grâce de ton corps léger. Je retourne dans Notre-Dame. Je vais retrouver ma cellule de moine, mon cabinet d'alchimiste, ma dalmatique d'archidiacre. Mais je ne suis plus moine, ni alchimiste, ni archidiacre. Qui suis-je? Que suis-je? Vers quoi me pousse ton dernier soupir? Esmeralda, pourquoi es-tu partie? Comment es-tu partie? Qui t'a emmenée pendant que je me battais pour toi? Qui? Tu étais si belle. Et moi, je savais enfin que la vie était douce. Tu n'es pas partie toute seule. C'est impossible. Alors, j'avais fermé toutes les portes de Notre-Dame. Il n'y avait que mon maître pour avoir comme moi les clés des petits escaliers. Mon maître? Mon maître. C'est lui, peut-être. Mais oui, bien sûr. La première fois, dans la rue de la Coutellerie, quand il avait voulu t'enlever, je ne savais pas encore. Et puis les soldats sont arrivés. On m'a fouetté sur la place de Grève, et toi, tu es venu me donner à boire. Esmeralda, tu as eu pitié de ma souffrance. Déjà. Oh, comme je t'aimais, rien qu'à te voir danser dans le soleil. Mais lui aussi, il t'aime. Il a voulu te posséder l'autre nuit. Si tu ne m'avais pas appelé à ton secours, que se serait-il passé? Je commence à comprendre. C'est lui, c'est mon maître. Depuis longtemps, je le vois malheureux, sombre, presque méchant. J'en souffrais parce que je lui dois tout. Il m'a sauvé, gardé, protégé. Il m'a donné Notre-Dame, les cloches. Tout mon cœur était pour lui. Mon dévouement, ma reconnaissance. Esmeralda, je ne sais plus quoi faire. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne veux pas non plus que tu aies peur à cause de lui. Où es-tu? Où est-il? Quem tá? Alors, Quasimodo vit apparaître l'archidiacre, et cette brusque réponse aux questions qu'il se posait le décontenança. D'un pas grave et lent, Claude Frollo montait l'escalier de la tour septentrionale, celle d'où l'on voyait l'hôtel de ville et la place de grève. C'est un magnifique et charmant spectacle que Paris, aux fraîches lueurs d'une aube d'été. Et ce matin de juillet, une lumière très blanche et très pure faisait saillir vivement tous les plans que ces mille maisons présentaient à l'Orient. Il y avait déjà des quartiers qui faisaient du bruit. Ici, un coup de cloche, là, un coup de marteau. Ailleurs, les roues grinçantes d'une charrette qui se mettait en marche. Toutes sortes de rumeurs flottantes se dispersaient sur la cité à demi réveillée. Dans le parvis, quelques bonnes femmes qui avaient en main leur pot au lait se montraient avec étonnement le délabrement singulier des portes de Notre-Dame. C'était tout ce qui restait du tumulte de la nuit. Le bûcher allumé par Quasimodo s'était éteint. Tristan l'ermite avait déjà fait déblayer les rues avoisinantes et jeter les morts dans les eaux de la Seine. Les rois comme Louis XI prennent grand soin de vite laver les traces sanglantes d'un massacre. Au-dessus des tours dans le ciel, on entendait chanter les oiseaux. Mais Claude Frollo ne voyait rien, n'entendait rien de tout cela. Son regard restait fixé sur un point unique. Et Quasimodo comprit que c'était le gibet dressé au milieu de la place de grève. Esmeralda. C'est Esmeralda. Ils l'ont tuée. Ils l'ont prise. Ils l'ont pendue. Esmeralda. C'est toi? C'est toi, mon maître, qui la leur a donnée? Hein? Pourquoi es-tu si pâle? Pourquoi as-tu peur parce que je te parle? Quasimodo, 20 ans. Tu veux que je m'en aille, comme le soir où tu as essayé de la violer. Mais elle m'avait appelé à son secours. Maintenant aussi, elle crie, elle appelle. Je l'entends. Esmeralda, je suis là, moi, Quasimodo. Imbécile, vas-tu m'obéir? N'approche pas! Je t'aime, mon maître, mais c'est elle qui commande, et je vais la venger. Quasimodo! Va rejoindre ton frère! Un homme est tombé des tours de Notre-Dame. Oh, c'est horrible. Il est resté accroché à une gouttière de plomb. Il faut le sauver. Mais voyons, c'est impossible, regardez. Son corps est suspendu dans le vide. Oh, la gouttière est fragile. Elle va bientôt céder. Quasimodo! Quasimodo! Sauve-moi! Tu le peux! Tends-moi les mains! Regarde-moi! Je vais tomber et m'écraser en bas! Quasimodo! Je t'en supplie! Esmeralda! Qu'as-tu fait, Esmeralda? Je ne veux pas mourir! J'ai peur! La gouttière va céder! Quasimodo! Tu ne peux pas m'entendre, mais tu m'as toujours si bien compris. Sauve-moi! Oh, quelle horreur! Je n'ai plus de force. Viens à mon secours. Esmeralda, elle est morte. Hé, pitié de moi, Quasimodo. Tu peux encore. Au secours, Quasimodo! Il faut prévenir monsieur l'évêque de Paris. Nous autres gens du guet, nous ne pouvons disposer du corps d'un archidiacre. Oh là là, quelle bouillie. Allez, tout est disloqué. Allez, regardez. Allez, allez. Mais comment a-t-il fait pour tomber des tours? Il n'est pas tombé. C'est Quasimodo, le sonneur de cloche, qui l'a poussé dans le vide. Je l'ai vu. Quoi ? Quasimodo, tu es son maître ? Me voyons, il lui était dévoué comme un chien. Tu déraisonnes, mamie. Je te dis que je l'ai vu. Et même il riait. Vous avez de bons yeux, la commère. Si je perds un jour mes choses dans un champ de blé, j'irai vous chercher. En attendant, circulez, allez. Et racontez vos sonnets purs. C'est trop fort. Quand on veut dire la vérité, voilà comment on est traité. N'empêche que ce Quasimodo était bien le diable en personne. Et s'il a jeté donc Claude Frollo du haut des tours de Notre-Dame, c'est exprès. Oh, voyons, ma bonne, mais que dis-tu là ? Ce que je sais. Comme un singe casse une coquille pour manger la noix, Quasimodo a brisé le corps de l'archidiacre pour emporter son âme aux enfers. Il courut en effet beaucoup de bruit sur cette aventure, et l'imagination du populaire, si vive au Moyen-Âge, se donna libre cours. Quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le parvis le corps disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. On ne douta plus qu'un pacte diabolique ne lia le destin des deux hommes, et c'est pourquoi l'archidiacre ne fut pas inhumé en Terre Sainte. Mais Quasimodo ne s'était point volatilisé dans le soufre ou la cendre. Pour l'instant, accroupi sur un toit voisin de la cathédrale, il regardait au loin le corps d'Esmeralda accroché au gibet. Puis, ramenant son œil triste vers le cadavre écrasé de Claude Frollo, il répétait sans cesse avec un désespoir infini. Oh, tout ce que j'ai aimé. Tout ce que j'ai aimé. Dans la nuit qui suivit le supplice d'Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume de France. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ 160 toises des murailles de Paris, on voyait au sommet d'une petite colline un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlech celtique et où il se faisait aussi des sacrifices humains. Sur une plateforme de maçonnerie, 16 énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de 30 pieds, liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres, laissaient pendre à des intervalles réguliers de lourdes chaînes noires. À toutes ces chaînes, des squelettes. Aux alentours, dans la plaine, une croix de pierre et deux gibets de moindre importance servaient de repoussoir à la fourche centrale. Au-dessus de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux et d'oiseaux de proie. Voilà ce qu'était Montfaucon. À la fin du XVe siècle, le formidable gibet qui datait de 1318 était déjà fort décrépit. Les poutres vermoulues, les chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure, et l'herbe poussait sur cette plateforme que les pieds jamais ne foulaient. C'était un horrible profil sur l'horizon que celui de ce monument. La nuit surtout, quand un peu de lune éclairait ses crânes blancs et que la bise du soir remuait dans l'ombre les chaînes et leurs squelettes. La présence de la mort était là, tangible et pourrissante tout à la fois, car le massif de pierre qui servait de base était creux. On y avait pratiqué une vaste cave fermée par une grille de fer, et l'on y venait jeter non seulement les débris humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les suppliciés exécutés aux autres gibets de Paris. Esmeralda. Esmeralda. Te voilà morte dans ta robe blanche. Et si belle, si fragile. Tous, ils se sont acharnés sur toi comme des vautours. Mon Lys, ma petite danseuse pleine de soleil. Enfin, j'ose te prendre dans mes bras. Il fallait que tu sois morte pour que je ne te fasse plus horreur. Je t'aime, Esmeralda. Je t'aime. Maintenant, c'est moi qui parle. Et c'est toi qui n'entends plus. Voilà. Je m'allonge contre ton corps. Tu poses ta pauvre tête sur mon épaule. Et je suis heureux. Plus rien ne va nous séparer. Deux ans environ après les événements qui terminent les sombres aventures d'Esmeralda, de Claude Frollo et de Quasimodo, des soldats vinrent chercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Dain qui avait été pendu deux jours auparavant et à qui le nouveau roi, Charles VIII du nom, accordait la grâce posthume d'être enterré en meilleure compagnie. Quel charnier. Ouais. Il y a ici une odeur à vous faire vomir tripes et entrailles. À des besognes comme celle-là, j'aimerais mieux ne pas en faire. Probablement que tu es délicat. Question de tempérament, hein, on n'y peut rien. Allez, dépêchons-nous de trouver le corps d'Olivier Le Dain, on s'en ira plus vite. Ah, il doit pas être loin. Pendu de la surveille, c'est du travail frais. Et puis le bourreau a dû lui laisser ses beaux vêtements. Dis donc, tout mort qu'il est, c'est encore Olivier Le Dain. Tiens, cherche dans ce coin, moi je retourne près de la grille. Ouais. Ça doit être lui. Viens voir, Thomas. Oui, voilà. Tu le connaissais, toi, le compère de Louis XI? Ah, une vraie charogne, même de son vivant. Lui et Tristan l'Hermite ont fourni tous les gibets de France. Et sans fatigue, ça tu peux me croire. Ah ben maintenant, c'est son tour. Preuve qu'il y a une justice. Ouais, tu parles comme une bonne femme à confesse. Une justice. Ici, à Montfaucon. Ou ailleurs, peu importe. Tiens, sais-tu qui a traîné ce charnier ou pourri autant d'innocents que de coupables? Ma foi, non. Enguerrand de Marigny. Était un homme juste et qui ne le méritait pas. Ouais, mais note qu'il était aussi surintendant des finances et que ces gens-là sont surtout faits pour empoisonner la vie des autres. Mais à part ça, on pouvait rien lui reprocher. Ouais, bah allez, aide-moi à le charger. Oui. Oula! Oh, il est lourd, le compère. C'est que... Tu le tiens bien, oui? Ouais, ça va. Eh ben, il a mangé plus qu'à sa faim. Ce barbier-là n'a jamais rasé. Gratis. Il n'avait qu'un seul client, le roi. Voilà, tu peux y aller. Ouais, tant mieux, j'ai hâte de sortir d'ici. T'as un peu? Quoi encore? J'étouffe. Oh, regarde comme c'est curieux, les deux squelettes à droite. Ah bah oui, tiens. Ils sont serrés l'un contre l'autre comme si la mort les avait surpris en train de s'embrasser. L'un de ces deux squelettes portait encore quelques lambeaux d'une robe jadis blanche, et l'on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrézarac avec un petit sachet de soie ouvert et vide. Les soldats remarquèrent aussi que le squelette de l'homme avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait par ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque. De toute évidence, l'homme n'était pas un pendu. Il était venu là de son plein gré pour y mourir. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il tenait étroitement enlacé, il tomba en poussière. Que dit Victor Hugo des personnages qu'il abandonne en cours de route pour n'avoir été que prétexte à l'intrigue dramatique de Notre-Dame de Paris? Eh bien, si nous ouvrons ce livre monumental à ses dernières pages, nous lisons ceci. Quant à Pierre Gringoire, il parvint à sauver la chèvre Djali qu'il aimait tant. Après avoir goûté de l'astrologie, de la philosophie, de l'architecture, de l'hermétique, de toutes les folies, il en revint à la tragédie, qui est la plus folle de toutes. Et d'une phrase, Victor Hugo liquide le destin du beau capitaine Phébus de Châteaupers, qui lui aussi fit une fin tragique. Il se maria avec Fleur de Lys. Vous venez d'entendre le 64e et dernier épisode de Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Orchestre sous la direction de Serge Baudeau. Assistant de production Georges Arnal et René Raymond. Depuis le début de nos émissions, la prise de son était assurée par René Relot et le montage par Pierrette Soula. Au cours de ces émissions, les rôles principaux ont été tenus par Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Auseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. La danse d'Esmeralda a été enregistrée avec la collaboration d'Espanita Cortés, danseuse étoile de l'opéra. La complainte Enfer et Paradis, interprétée par Marc et André. Le veilleur avait la voix de Jean Péméja. Bruitage Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 59e, 60e, 61e, 62e, 63e et 64e et dernier épisode, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 24, 25, 26, 27, 28 et 29 juin 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». C'est qui sonne quand on pleure, c'est qui sonne pour le peuple qui se lève.